Mademoiselle Michonneau, ayant fait le geste de prendre le bras de Poiré en le regardant, il ne put résister à cet appel et vint donner son appui à la vieille. Des applaudissements éclatèrent. Il y eut une explosion de rire. « Bravo, Poiré ! Ce vieux Poiré ! Apollon Poiré ! Mars Poiré ! Courageux Poiré !» En ce moment, un commissaire entra, remit une lettre à Madame Vauquet, qui se laissa couler sur sa chaise après l'avoir lue. « Mais il n'y a plus qu'à brûler ma maison. Le tonnerre y tombe. Le fils Taillefer est mort à 3 heures. Je suis bien puni d'avoir souhaité du bien à ces dames au détriment de ce pauvre jeune homme. Madame Couture et Victorine me redemandent leurs effets et vont demeurer chez son père. Monsieur Taillefer permet à sa fille de garder la veuve Couture comme demoiselle de compagnie. 4 appartements vacants, 5 pensionnaires de moins. » Elle s'assit et parut près de pleurer. « Le malheur est entré chez moi » s'écria-t-elle. Le roulement d'une voiture qui s'arrêtait retentit tout à coup dans la rue. « Encore quelques chapes-chutes !» dit Sylvie. Gorillot montra soudain une physionomie brillante et colorée de bonheur, qui pouvait faire croire à sa régénération. « Gorillot en fiacre !» dirent les pensionnaires. « La fin du monde arrive !»